m'est permis d'interpréter à mon tour le collège, je dirais que dans l'ordre des institutions, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. De professeur, n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelle a été l'atmosphère de terreur exercée auprès de la population ottomane quand le corps des janissaires a été aboli en juin 1826 ? Que nous apprennent les pierres tombales, l'épigraphie funéraire de cette guerre sacrée lancée par l'État ottoman contre les rebelles qualifiés d'impies ? Comment le corps aboli n'est-il plus non seulement nommé, mais bien frappé de damnation mémorielle, s'interroge l'historien Etem Eldem. Quelle légende d'État se met alors en route ? Quels enseignements retirer des rapports d'ambassade du regard des étrangers face au discours univoque de l'État ottoman ? Titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France, Etem Eldem s'attache cette semaine dans le cadre de sa série consacrée à l'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident aux années 1820-1830 et aux grandes réformes étatiques. Dans la présentation de son cours, Etem Eldem rappelle que le passé turc n'est pas qu'ottoman et l'histoire ottomane n'est pas que turque. C'est dire que l'intitulé de cette nouvelle chaire couvre un domaine très vaste et pour le moins complexe, voire ambigu. Ce questionnement sur un empire qualifié de complexe s'inscrira à son tour dans une chronologie chevauchant les périodes modernes et contemporaines du XVIIIe siècle, comme l'an passé, à nos jours. Les cours, explique Etem Eldem, reprendront les grands moments de la période. Intégration avec l'Europe, au tournant du XIXe siècle, réformes étatiques des années 1820 et 1830, rêves ottomanistes des années 1850 et 1860, crise de 1876, autocratie hamidienne en bon français, révolution jeune turque, débâcle de la Première Guerre mondiale. Une chronologie bien connue mais qui mérite un approfondissement critique à l'appui de textes et de documents contemporains ainsi que d'une approche diversifiée permettant de croiser des aspects différents mais convergents d'une réalité extrêmement variée. Et là nous touchons au cœur du laboratoire de l'historien Etem Eldem. De la culture funéraire aux institutions financières, de l'anatomie des massacres aux biographies intellectuelles, de l'usage de la photographie à l'invention des ordres et décorations, de la naissance d'un orientalisme ottoman à la constitution d'une pratique archéologique, nombre d'études viendront se greffer sur ce récit central pour en dévoiler la richesse et la complexité. Alors, qu'est-ce qui s'est joué en juin 1826 ? Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 25 janvier 2019, aujourd'hui la plus grande des guerres saintes. Nous allons continuer à disséquer cette révolution par le haut, la révolution du 15 et du 16 juin 1826, cette destruction du corps des janissaires, une révolution par le haut puisqu'il s'agit essentiellement d'une initiative du sultan Mahmoud II, qui utilise, nous l'avons déjà vu, de gros moyens pour se débarrasser de ce qu'il a toujours considéré être une entrave à son autonomie et à son autocratie. Mais, ainsi que je vous le disais la dernière fois, il y a dans la réalité des janissaires, dans la réalité de l'implantation des janissaires dans la société stambouliote, il y a une dimension populaire qui nous oblige à nous interroger sur la question de la possibilité ou non d'y avoir une contre-révolution, ou de voir si cette révolution, par le haut, n'est pas, jusqu'à un certain point, contredite, contrecarrée par une révolution par le bas, que représenteraient les janissaires, et surtout les partisans des janissaires, c'est-à-dire cette partie de la population qui, d'une manière ou d'une autre, serait liée économiquement, socialement, culturellement, à l'institution. Je vous avais dit la dernière fois que les janissaires, ou l'historiographie ottomane elle-même, mais les historiens turcs du XXe siècle ont toujours eu tendance à traiter la question des janissaires d'une manière un peu trop manichéenne, noir et blanc, pur ou dégénéré. Et ce qui équivaut en fait à épouser la prise de position de l'État lui-même, puisque vous vous souviendrez du firmement de la déclaration au peuple qui avait été promulguée le lendemain de cette révolution. Il y avait un sous-texte, il y avait des implications très fortes qui, en gros, nous permettent de comprendre un peu ce qu'était la prise de position du gouvernement. Celle d'attaquer les janissaires comme étant un vestige décrépit, dégénéré d'un ordre qui devait être renouvelé. Une milice, certes glorieuse à ses débuts, mais qui avait cédé au désordre, à l'appât du gain, et qui avait par conséquent commencé à menacer l'existence même de l'État. Et par conséquent, Mahmoud et son gouvernement, la sublime porte, se mettaient dans la situation d'un acteur qui sauvait l'État. Et quand on dit l'État, on dit bien sûr l'État impérial, on dit aussi l'islam, c'est-à-dire que c'est la religion et l'État, « din ve devlet », comme le disaient les contemporains, la religion et l'État que Mahmoud prétend sauver des griffes de cette bande de brigands dégénérés qu'étaient les janissaires. Et il utilise des arguments qui seront repris au XXe siècle pour justement stigmatiser cette milice de tous les maux, de toutes les dégénérescences que l'on peut imaginer, à commencer par le fait qu'ils ne sont plus monastiques, si vous voulez, qu'ils ne sont plus célibataires, qu'ils se marient, qu'ils se mêlent au peuple, qu'ils vont fricoter en quelque sorte avec le bas peuple et qu'ils vont s'intéresser à des choses qui sont bien au-dessous de leur statut, puisque ce sont des soldats idéaux. Ils vont se mêler de commerce, ils vont se mêler de choses mesquines, profanes en quelque sorte, et tout ça contribue à les marquer du sceau de la dégénérescence. Alors bien sûr, je vous avais cité par exemple Jemal Khafadal, qui récemment, dans les deux dernières décennies, a commencé à essayer de récuser un peu cette vision un peu trop simpliste des choses. Et il a montré que les janissaires, au début, c'est-à-dire à l'époque dite glorieuse des 15e et 16e siècles, étaient déjà quelque peu impliqués dans la vie de tous les jours, qu'il y en avait qui cultivaient leurs champs, qu'il y en avait qui ouvraient boutiques, et que par conséquent, cet idéal du janissaire complètement absous, en quelque sorte, complètement arraché des réalités de la vie, était une fiction historiographique, quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. Cependant, il est vrai aussi que, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, notamment avec le début d'un certain recul de l'expansion ottomane, les janissaires ont dû faire face à des problèmes d'ordre économique, notamment l'effritement de leur paye à cause de l'inflation, à cause de la monnaie, l'altération de la monnaie, le fait que l'État essaye de tricher en quelque sorte en diminuant le contenu d'argent dans la monnaie battue, tout cela a des conséquences directes sur les janissaires parce que ce sont des salariés. Ce sont des salariés et par conséquent, ils souffrent directement de toutes ces pressions fiscales et monétaires. Et par conséquent, ils se reportent sur des alternatives, sur d'autres possibilités de gagner leur pain. Et ils utilisent bien sûr à la fois ce que l'on pourrait appeler un commerce honnête, c'est-à-dire s'insérer en quelque sorte dans la vie économique de la ville, mais aussi un commerce malhonnête, celui d'user de ce qu'ils ont encore, c'est-à-dire ce monopole de la violence, le fait que ce sont des soldats, qu'ils ont un corps qui est solidaire, et que par conséquent, ils peuvent adopter des méthodes, disons, mafieuses, pour imposer leur présence dans le système économique et social de la ville. Donc c'est extrêmement complexe. De là à dire que les janissaires, et ça a été dit, mais je n'en suis pas vraiment convaincu, que les janissaires représentent déjà une sorte de société civile naissante, je crois que c'est aller un peu trop loin. Mais il est vrai, Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer en disséquant justement la documentation de l'époque et notamment les rapports d'ambassade. Il y a des courants populaires, il y a des mouvances, il se passe des choses à Istanbul qui sont bien plus complexes que la manière un peu simpliste dont l'État voudrait donner l'image en annonçant son triomphe du 17 juin comme définitif et comme étant la solution à tous les maux de l'Empire. L'image que j'ai choisie, c'est un petit retour en arrière, mais c'est un détail d'une gravure du XVIIe siècle qui a l'avantage de représenter les janissaires d'abord avec leur fameux burk, donc ce turban, ce couvre-chef assez imposant. Encore une fois, il faut que vous sachiez que là, ça redescend jusqu'au bas des reins, donc c'est joli à voir. Je ne sais pas si c'est pratique au front, mais en tout cas, c'est imposant. Et puis, ces aigrettes qui sont plus ou moins décorées de plumeaux ou de pierres, selon le grade des individus. Mais ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que l'on y voit des symboles, ce que les Ottomans appellent, les janissaires appellent des remises, des signes, ou des nishans, des symboles, qui représentent chacun un horta. Horta, c'est une légion, si vous voulez, c'est un groupe de janissaires. Encore une fois, une solidarité au sein de la milice elle-même. Vous avez quelques 70-80 horta, et chaque horta a son propre folklore et ses propres symboles. Vous voyez là une galère. Donc, ils trimballent, en quelque sorte, au bout d'une pique, le symbole de leur horta. L'autre a un moulin à vent. Donc, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Vous avez des symboles qui sont parfois extrêmement guerriers, si vous voulez. Vous en avez d'autres qui sont tout à fait anodins. Mais c'est quelque chose, et nous reviendrons là-dessus, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant dans la représentation des janissaires. Vous vous souviendrez peut-être que l'ambassadeur d'Ahmed III, envoyé à Paris en 1720, Mehmet Çelebi Efendi, s'appelle en turc Yirmisekiz Mehmet Çelebi, ce qui veut dire 28. Mehmet Çelebi, 28. Pourquoi 28? Parce qu'il appartient au 28e Horta. Donc, c'est une identité très forte qui se conjugue à la fois numériquement, en se référant au numérotage, si vous voulez, des légions, ce qui rappelle un peu l'Empire romain, et bien sûr à la symbolique. Et cette symbolique, on va la retrouver dans des contextes parfois assez surprenants. Donc c'est un peu pour ça que j'ai pris une image qui n'était pas vraiment des années 1820, mais plutôt de la période faste des janissaires au XVIIe siècle, alors qu'ils étaient encore reconnus comme la plus grande, la plus puissante milice de l'Empire ottoman. Et le titre que j'y ai donné, que j'ai mis entre guillemets, parce que c'est une citation, c'est un passage d'un poème que je vais expliquer un peu plus tard, un poème qui a été dédié à Mahmoud II par un des pachas des provinces à la suite de cet événement. Donc, je vous rappelle un peu la nature des rapports d'ambassade. Encore une fois, j'insiste sur le fait que les rapports d'ambassade sont extrêmement intéressants du simple fait qu'ils essayent autant que possible de rapporter à Paris une idée plus ou moins concrète de ce qui se passe. Et ça, c'est extrêmement précieux. La Turquie, avec ses obsessions historiques, historiographiques, sa cléomanie, sa cléopathie, a tendance à toujours prendre avec des pincettes et même refuser de prendre des documents étrangers concernant l'Empire ottoman en disant que ce sont des documents qui sont par définition biaisés, soit par une forme d'animosité envers l'Empire ottoman ou, d'une manière générale, la Turquie, les Turcs, etc., donc la paranoïa, si vous voulez, mais aussi par le fait qu'ils manquent d'informations, ils sont ignorants de la plupart des principes fondamentaux de l'Empire ottoman. Il y a toujours du vrai à cela. C'est vrai que la documentation occidentale, elle a ses défauts, elle a ses tendances. La documentation diplomatique est en général extrêmement consciente de la politique de tel ou tel État, et par conséquent, elle a une vision des choses qui est bien sûr informée, déformée par ses propres priorités. Et il est vrai aussi que les diplomates, les observateurs ou les voyageurs occidentaux en Orient, dans l'Empire ottoman, manquent souvent des rudiments de connaissances qui leur permettraient de comprendre profondément ce qui se passe. D'abord parce que c'est un univers extrêmement varié et que par conséquent, connaître une langue, et ça c'est un problème des historiens aujourd'hui, connaître une seule langue ne vous donne qu'une vision des choses. En ne connaissant que le turc, vous finissez par vous limiter à une vision qui est turcocentrique ou du moins qui reflète une documentation rédigée en turc. Et cette documentation, elle est le plus souvent la documentation officielle, celle de l'État. Donc, pour les étrangers, la connaissance des langues est déjà une entrave. Et c'est pourquoi, nous en parlions la dernière fois, ils ont des droguements, ils ont des truchements, ils ont des interprètes. Ils doivent, par conséquent, avoir recours à des intermédiaires pour accéder à l'information. D'autre part, ce sont des gens qui sont souvent mis au banc de la société, notamment par les musulmans, puisque, par définition, ce sont des chrétiens, ce sont des infidèles. On évite, par conséquent, ou du moins c'est ce qu'on pense en général, on évite de les fréquenter, on évite de leur révéler les mystères et les secrets de son empire, de sa religion, de sa culture, etc. Alors, tout ça, c'est vrai. Mais en revanche, l'avantage d'une documentation étrangère, quelle qu'elle soit, c'est que, du fait qu'elle est étrangère, elle s'interroge sur des choses qui, pour les locaux, sont d'une banalité qui ne mérite même pas le fait d'être notée. C'est là qu'est le problème de la documentation ottomane. C'est-à-dire que la documentation ottomane, elle a sa propre rhétorique, surtout quand il s'agit de l'État. Donc on peut entendre la voix et la logique de l'État. Mais jusqu'à quel point cette voie, cette logique sont-elles vraiment liées, reflètent-elles vraiment la réalité? C'est très douteux. On le sait, l'État, par définition, et je parle de n'importe quel État, ment. L'État non seulement ment, mais provoque le mensonge. C'est-à-dire qu'il invite le sujet, le citoyen, à mentir. Je veux dire, il y a qu'à voir, je ne sais pas si vous voulez travailler sur le niveau économique d'une société, etc. Si vous vous basez sur les déclarations d'impôts, je peux vous garantir que vous n'aurez pas une image très exacte de la vraie richesse d'un pays. Donc, c'est normal, c'est dans la nature des choses. En fait, l'État ment tellement et les citoyens mentent tellement que, au final, ça finit par s'annuler. Donc on arrive à voir à peu près où ça se situe. Mais les étrangers ont l'avantage, justement, d'une curiosité que les Ottomans n'ont pas. Vous n'avez pas de sources ottomanes qui s'interrogent sur tel ou tel aspect du folklore, de la culture, de la transmission de telle ou telle image. Ça n'existe pas. Et dans ce cas particulier, je trouve dans les rapports, dans les bulletins de l'ambassade de France à Constantinople, beaucoup plus d'informations concernant la gestion au jour le jour de cette crise que dans la documentation ottomane. Dans la documentation ottomane, vous n'avez qu'une voix, c'est celle de l'État. Et cette voix univoque, n'est-ce pas, c'est celle de ceux qui ont triomphé ou qui pensent avoir triomphé, qui par conséquent dictent l'histoire selon leur perception des choses. Et ça, c'est un gros problème. Par conséquent, je me réjouis d'avoir à deux pas d'ici, à la Courneuve, une mine d'informations que j'exploite pour les besoins de cette présentation, toujours en équilibre avec la rhétorique de l'État, puisque ça aussi c'est intéressant. Ce n'est pas parce que l'État ment qu'il ne faut pas s'y intéresser. Au contraire, comment l'État ment-il ? Pourquoi l'État ment-il ? Quand choisit-il de mentir, d'inventer une certaine légende pour justifier, pour légitimer tel ou tel acte ? Donc ici, c'est un rapport d'ambassade, mais le 19 juin, donc au début vraiment de la crise, à peine 3 jours après les événements, les janissaires sont abolis, quiconque se dit janissaire est mis à mort. Donc c'est une atmosphère de terreur, un peu à la manière de la terreur de la Révolution française, c'est-à-dire que tout le monde se sent en insécurité, peut à tout moment être inculpé de connivence ou d'appartenance à la milice abolie. Et ça, bien sûr, ça prouve déjà que ce n'est pas uniquement la milice qui est en cause. Ça prouve déjà qu'il y a un effet de vague, si vous voulez, et que par conséquent, si la population se sent inquiétée, si elle se sent soupçonnée par l'État, c'est bien qu'il y a des réseaux, il y a des connivences pour l'État, des assimilations, des associations, des fraternisations, toutes sortes de relations entre la milice, ce qu'elle représente, et la population de la ville. Donc, on les exécute, c'est vraiment la terreur, c'est la guillotine, au lieu de la guillotine, c'est le sabre, si vous voulez. Dès qu'on les trouve, le gouvernement se montre implacable et rien n'égale sa rigueur cruelle que sa prodigieuse activité dans les mesures propres à consolider son triomphe. Ce triomphe paraît complet, il est maître partout et partout l'ordre a reparu. Chacun vaque de nouveau à ses affaires. Alors la première impression est vraiment celle du calme rétabli, l'ordre rétabli grâce à la main de fer, à la poigne de fer de l'État. Mais, dit-il, toutes les traces d'un si grand coup n'ont pu disparaître encore. Donc, tout étranger qu'il est, cet observateur français, se rend bien compte que ça n'est pas encore fini, que ça ne peut pas être fini si facilement et qu'il y a probablement un orage qui couve. Tout ce qui a été janissaire n'est point détruit et ne peut pas l'être au moins de sitôt. Pourquoi ? Parce que c'est un réseau tentaculaire qui va au-delà de simplement les casernes. De là, cet air sombre et inquiet. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que vous ne trouverez jamais dans la documentation ottomane. Aucun document ottoman ne va vous dire que la ville est sombre et inquiète. Et pourtant, c'est très intéressant, parce que là, vous parlez de sentiments, vous parlez d'une sensation. Et ça, pour l'historien, c'est de plus en plus intéressant. Et c'est précieux, parce que ça va au-delà d'une histoire purement événementielle. C'est une histoire un peu plus sensorielle, une histoire qui a une sorte d'âme, un reflet de l'état d'esprit de la population à cette époque-là. Donc, de là, cette terre sombre et inquiète qui trahit les sentiments divers de tant d'individus compromis ou qui croient l'être. Les ministres, les rijals, sont sous la tente, je vous l'avais déjà dit, il y a un état de siège, en quelque sorte, et ils vont rester sous la tente jusqu'au début du mois de septembre, donc pendant quand même 3 mois, c'est assez impressionnant. Détail très intéressant, que j'ai trouvé encore une fois dans les rapports de l'ambassade, c'est ceci, la découverte, en déménageant le palais des sultanes, Eskisaray, ce qui est aujourd'hui le campus de l'université, le campus central de l'université d'Istanbul, c'est l'ancien palais, par opposition au nouveau palais, qui est le palais de Topkapı, celui que tout le monde connaît. Le vieux sérail a complètement disparu, il a été rasé pour faire place, justement, au ministère de la guerre, après les événements de 1826. Mais cet ancien palais, qui était à l'origine le premier palais que Mehmet le Conquérant avait établi à Constantinople même, au centre de la ville, au cœur de la ville, ce palais servait en quelque sorte de remise aux femmes et aux eunuques et aux serviteurs du sultan précédent. Donc c'était une sorte de dépôt, de hangar pour des gens qui avaient terminé leur carrière et dont on ne savait plus quoi faire. Et c'est là que l'on découvre, nous dit ce document, un paquet ensanglanté qui renfermait les vêtements ensanglantés, il se répète un peu, de Sultan Osman, massacré par les janissaires à l'âge de 18 ans. Vous vous souviendrez peut-être que la dernière fois, je vous avais montré une série d'images des janissaires et une gravure du XVIIIe siècle, une gravure française représentant le Sultan Osman II, promené, paradé dans les rues de Constantinople sur un cheval à moitié nu. Et je vous avais expliqué que c'était le premier sultan à avoir été victime d'une rébellion des janissaires qui l'avait détrôné, mais non content de le détrôner, l'avait assassiné. Le premier crime, si vous voulez, de lèse-majesté, le premier assassinat d'un sultan par des serviteurs de la porte, par des kuls, des esclaves de la porte, en l'occurrence les janissaires. Et ça, c'est un événement traumatique, si vous voulez, du XVIIe siècle, 1622, donc 2 siècles d'écart. Et tout d'un coup, en 26, alors que l'on détruit l'institution des janissaires, comme par hasard, on découvre dans le vieux palais les habits ensanglantés, une sorte de relique, si vous voulez, d'un martyr, les vêtements ensanglantés de Osman II. La sultane Validée, donc la mère du sultan, et là, on voit qu'il y a un aspect émotif, sentimental, maternel qui est introduit. La sultane Validée avait obtenu qu'on les lui délivrât afin de pleurer sur les dépouilles de son malheureux fils. À la mort de cette princesse, elles avaient été conservées précieusement dans le trésor d'Esquissaraï. On s'est empressé de rendre compte à sa hautesse de cette circonstance, et après avoir examiné le paquet avec le sentiment le plus douloureux, elle a ordonné, sa hautesse, donc le sultan Mahmoud, de le faire porter au grand vizir et au ministre pour leur faire partager contre les proscrits son indignation et sa colère que cette vue avait encore plus vivement excitée. C'est un passage très intéressant parce qu'on voit bien que c'est la création d'une légende, c'est l'invention d'un martyr. Et c'est un vêtement qui, à partir de ces années-là, sera exposé au palais et qui deviendra à la fin du XIXe siècle, lorsque le palais de Topkapı se muséifie petit à petit, et encore plus après 1924, donc après la Révolution, lorsque le palais de Topkapı deviendra effectivement musée, ce sera une des pièces les plus fascinantes de la collection de caftans du musée. Et là, ce que l'on a, c'est, si vous voulez, la création de cette relique qui devient excessivement significatif dans ce contexte, puisque c'est un rappel de la trahison, il y a deux siècles de cela, qu'avaient commise les janissaires contre le sultan. Et ce qui est, encore une fois, intéressant, c'est de voir à quel point toute cette histoire est enveloppée de drames, de tragédies, de pleurs, de larmes, de féminité, encore une fois, que l'on introduit parce qu'on veut en appeler au sentiment du public. Et c'est ça, je crois, que la documentation ottomane, mais surtout la documentation française, nous permet de voir, c'est qu'il y a là un effort de communication avec le public, communication comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un effort de relations publiques, un effort de créer une opinion publique favorable à ce coup de force mené par le sultan. Et là, je me reporte aux travaux d'un ancien étudiant, Murat Çiviloğlu, qui a récemment publié sa thèse à Cambridge University Press sous le titre de « The Emergence of Public Opinion in the Ottoman Empire », donc l'émergence, l'apparition de l'opinion publique dans l'Empire ottoman. Et même si il s'intéresse plutôt à une période un peu plus tardive, c'est-à-dire à partir des années 1840-50, lorsque la presse et les moyens de communication sont beaucoup plus importants, il commence par parler de l'événement de 1826 comme étant probablement la première tentative de l'État à communiquer de manière moderne avec le public en essayant d'avancer, de promouvoir sa vision des choses et de créer une opinion publique en sa faveur. Donc ceci, ce petit détail, si vous voulez, me paraît intéressant et important puisqu'il montre à quel point tout est construit. La destruction en elle-même, c'est un fait militaire, mais une fois la victoire militaire obtenue, l'objectif du sultan, l'objectif de la porte, c'est de solidifier, de consolider cette victoire par la création d'une opinion publique. Et pour cela, on utilise toutes sortes de moyens qui sont en fait très modernes. On communique. Et je vous avais évoqué le fait que la proclamation qui avait suivi l'événement était criée dans les rues et lue dans toutes les mosquées. Donc, à une époque où la presse n'existe pas encore, vous avez bien un journal, mais en français, à Smyrne, donc il n'y a pas vraiment de presse, il n'y a pas de mots écrits qui circulent parmi la population de la ville, mais les paroles circulent et l'État fait de son mieux pour essayer de monopoliser la parole, d'empêcher des paroles divergentes et de promouvoir une parole univoque dans le sens de la légitimation et de la justification de son coup de force. Et j'en arrive à la citation que j'avais utilisée en exergue ou en titre pour ma présentation. Il s'agit donc d'un poème qui se termine par un distique chronogramme. Chronogramme, alors c'est un art que j'affectionne particulièrement, mais qui est totalement futile. C'est celui d'utiliser les valeurs numériques des lettres, puisque dans l'alphabet arabe, chaque lettre a une valeur numérique distincte, qui va de 1 à 1000. Et c'est d'utiliser donc ces valeurs numériques pour composer soit un vers, soit une citation, une expression dont le total équivaudrait à la date recherchée. Alors comme les poèmes sont de toute façon datés, évidemment ça n'est pas vraiment très utile. Mais c'est un petit sport intellectuel que les Ottomans affectionnent énormément, qu'ils utilisent pour des événements mémorables, des batailles, des naissances de princes, ou dans ce cas, la victoire contre les janissaires, mais dans des contextes un peu plus modestes, vous vous en retrouvez sur des pierres tombales pour signaler la date de décès de la personne qui est inhumée. Alors ici, Paradishahum Dede Muhlis Kulunaha Tife Gaib, Muhlis, c'est le nom de l'auteur, il s'appelait Esat Muhlis Pacha, Pacha de Chermen, donc qui avait la charge de la garnison de Edirne, Andrinople, un des postes les plus importants de la machine militaire ottomane. Il écrit, il dédie en quelque sorte un poème à Mahmoud pour célébrer cette victoire contre les janissaires. Et Tam Tarihin Anen Oldu, il introduit le chronogramme, et le chronogramme c'est en fait uniquement les deux derniers mots, Gazaye Ekber. Gaza, vous le savez peut-être, c'est la guerre sainte. Alors vous avez djihad, bien sûr, et djihad, ce sera utilisé plus tard, notamment pendant la Première Guerre mondiale, pour définir l'engagement militaire de l'Empire ottoman et de tous les musulmans du monde contre les puissances de l'Entente. Mais Gaza, c'est un terme un peu plus médiéval, un terme qui définit en fait la passion guerrière des Ottomans au début de leur carrière politique. À la fin du XIIIe, au début du XIVe siècle, Ils sont tous ghazis, ce sont des guerriers de la foi. Et ce qu'ils pratiquent, donc la guerre sainte, c'est la Gaza. C'est intéressant de voir donc que ce pacha, Muhlis, Esat Muhlis Pacha, appelle la victoire de Mahmoud Gazaye Ekber, la plus grande, Ekber, vous le savez probablement à cause de Allahu Ekber, n'est-ce pas? Dieu est le plus grand. Gaza et Ekber, c'est la guerre sainte la plus grande de toutes, la plus grande de toutes les guerres saintes. Encore une fois, très intéressant de voir que les pachas, l'entourage, ceux qui doivent pratiquer la flagornerie, bien sûr, parce que ça fait partie un peu des rituels du pouvoir, ils insistent sur le fait que c'est une bataille sacrée, une bataille livrée au nom de l'islam. Ce qui, encore une fois, va dans le sens de la rhétorique de l'État, en stigmatisant les janissaires comme des ennemis de la foi, des ennemis de l'islam. Donc, Gaza et Ekber, et si ça vous intéresse, voici la formule qui permet de calculer le gain fait 1000 points, etc. Et vous rajoutez tout ça, vous additionnez tout ça, et ça vous donne 1241 de l'égir qui correspond à 1826. Je ne vous cacherai pas que c'est un petit sport que j'affectionne particulièrement. J'ai énormément travaillé là-dessus quand je travaillais sur l'épigraphie funéraire. Et il m'est arrivé de m'essayer à l'art du chronogramme. Je fais ça de temps en temps. C'est amusant, mais encore une fois futile. Le Collège de France et France Culture vous présente l'historien Ethem Eldem dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident, les années 1820-1830, aujourd'hui la plus grande des guerres saintes. Donc voici encore une fois une vision de cette formulation univoque de cette guerre menée contre les impies, contre les dégénérés, contre les brigands que sont les janissaires. Et c'est par conséquent dans la documentation ottomane que l'on trouve des expressions qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus intéressantes du point de vue de leurs implications politiques. Eshkia. Alors, Yeniçeri Eshkia, ce sont des bandits. Shaki Eshkia, c'est un terme qui revient systématiquement dans les écrits politiques turcs pour définir, en fait, ceux qui sont hors la loi. Ce sont les bandits de grand chemin, mais ce sont surtout les rebelles. Surtout ceux qui se rebellent contre l'autorité du sultan. Donc, on applique, en quelque sorte, aux janissaires le sceau de la honte, le sceau de la trahison. Dinu devlete ihanet. La trahison de la religion et de l'État. Dinu devlet, déjà cette formule un peu consacrée, la religion et l'État. Ihanet, c'est la trahison, c'est un terme fort, c'est un terme déjà assez moderne quand il est appliqué à toute une communauté, à toute une milice. Très fort. Et encore plus fort, nam unishane, et c'est là que j'évoquais au début les symboles, donc le corps aboli. Alors ça, c'est typique, on n'utilise plus le terme. C'est un peu comme au XVIIe ou au XVIIIe siècle, quand on parlait du protestantisme en France, on disait la religion prétendue réformée, la RPR. Pourquoi ? Pour ne pas lui donner de légitimité et pour la nommer par ce qu'elle avait de plus faux. Donc, essayer, en quelque sorte, de contourner la reconnaissance de la moindre légitimité à ce corps en l'appelant déjà le corps aboli. Mulga, ilga et mek, ou mulga, aboli. Donc, effacé, dont le nom et les symboles sont entièrement enlevés et effacés de la face du monde. Et ça, il faut le comprendre littéralement. C'est-à-dire que c'est un cas de damnatio memoriae. Encore une fois, quelque chose qui va vous rappeler l'Empire romain. Cette tradition très romaine d'effacer littéralement sur les inscriptions le nom de ceux qui, généralement après leur mort, étaient jugés indignes de figurer sur les monuments épigraphiques, sur les monuments de l'Empire. Damnatio memoriae, c'est-à-dire la condamnation de la mémoire, condamner des individus à l'oubli. Donc effacer en quelque sorte toutes les traces de leur présence. Et ça, ainsi que je vais vous le dire, ça peut aller très loin. Nous avons plein de rapports dans la documentation ottomane, et ce jusque dans les années 1830-1835, des rapports venant des provinces où tel gouverneur informe la porte de ce que le terme de janissaire ou certains des titres, la titulature de certains des janissaires, de certains des officiers du corps sont encore utilisés dans telle ou telle ville de l'Irak. Et des rapports de délation. Il y a tout un dossier sur un groupe d'individus, et notamment un cafetier, un tenancier de café, à Izmit, à Nicomédie, Iznikmid pour les Ottomans à l'époque, à Izmit, qui a eu le malheur de ne pas effacer le symbole des janissaires qui ornaient l'entrée de son café. Détail très intéressant, parce que ça prouve déjà qu'un café pouvait arborer, un peu à la manière des enseignes, des tavernes en Occident, que c'est comme ça que l'on reconnaissait les cafés. Et que cette reconnaissance se faisait par le biais d'un symbole qui était directement associé à telle ou telle légion des janissaires. Lui-même ne l'était pas. Selon le dossier, il n'a pas l'air d'être lui-même janissaire, mais il était d'une manière ou d'une autre impliqué, imbriqué dans le réseau de ces janissaires. Et bien sûr, il est exécuté, ainsi que certains compagnons qui, eux aussi, sont jugés, encore une fois, avoir trahi cette damnatio memoriae en rappelant, en évoquant l'essence de la milice des janissaires. Donc c'est vraiment quelque chose que les Ottomans prennent très au sérieux. Et nous n'en connaissons pas vraiment d'autres exemples avant cela. Vous avez des damnatio memoriae qui sont parfois un peu ironiques. Par exemple, le fameux Ibrahim Pacha, gendre de Soliman le Magnifique, qui était d'abord connu sous le sobriquet de Makboul, celui qui est aimé, celui qui est apprécié. Et après sa mort, parce qu'il a été exécuté, il est tombé en disgrâce et il a été exécuté, son sobriquet a été changé en Maktoul, qui veut dire assassiné, tué. Alors c'est de l'ironie, c'est de... ça, vous en avez beaucoup, vous avez des pachas qui s'appellent 1000 pièces, Hezar Parale, parce qu'ils ont été mis en pièces à la suite d'une rébellion. Alors bien sûr, c'est un sobriquet posthume, mais ça n'est pas de la damnatio memoriae, et surtout, là, ça implique toute une corporation, tout un corps de l'armée, avec toutes ces connexions dans la réalité de tous les jours de la ville, des villes de l'Empire. Il y a un document, encore une fois, ottoman, dont je n'ai relevé que la partie autographe du sultan. Je crois vous avoir déjà expliqué que ce qu'on appelle un hat shérif ou un hat humayun, c'est-à-dire un écrit impérial, est un document qui est orné de l'écriture du sultan. Mais cette écriture, c'est en général un commentaire en haut. C'est la décision finale à la suite d'un placé, d'une représentation qui est faite soit par un individu, soit par un membre, un dignitaire, un membre du gouvernement. Le sultan s'applique et écrit au-dessus son opinion. En général, il commence par « j'ai eu une vision impériale de ce que vous avez écrit », ce qui est déjà bon. Et ensuite, il décide. Alors là, il s'adresse à son vizir, « benem viziren » en français. S'il est vrai que l'usage par le peuple de termes anciens est le seul fait de l'habitude, il n'y a pas de doute que de même que leur bouche s'y est habituée, leur nature penche aussi dans ce sens. Et il parle de ça, parce que le document en question, c'est un rapport qui provient justement d'Izmit et qui dit que la population utilise encore des termes bannis, des termes qui se réfèrent aux janissaires, en n'utilisant pas le mot. C'est toujours le corps aboli, etc. On essaye d'utiliser des euphémismes, on essaye de contourner le vocabulaire, mais en gros, ce que le document dit, c'est que les gens continuent d'utiliser une terminologie qui va à l'encontre de cet effacement de la mémoire qui avait été promulgué. Donc, dit-il, s'il est vrai que l'usage par le peuple de termes anciens et le seul fait de l'habitude, il n'y a pas de doute que de même que leur bouche s'y est habituée, leur nature penche aussi dans ce sens. Donc, ça n'est pas simplement le fait de parler, c'est aussi, ce sont des sympathies, c'est quelque chose qui est ancré dans la société. Par conséquent, comme il est impossible de calmer cette ardeur tout d'un coup, réaliste, il est à souhaiter de la grâce divine que la peur inspirée par de telles enquêtes finira par les corriger. C'est la terreur, c'est-à-dire qu'il est conscient du fait que, effectivement, on ne va pas pouvoir éradiquer immédiatement la mémoire des janissaires, mais à force d'inquiéter la population, à force de faire des enquêtes, entre guillemets, policières, pour essayer de trouver, de démasquer ceux qui contribuent à la conservation de cette mémoire, on va finir par inspirer la frayeur, la terreur, qui finira, espère-t-il, par faire oublier, par réaliser, par conclure en quelque sorte cette opération d'oubli qui avait été débutée en 1826. Mais ça va plus loin. Et là, c'est quelque chose qui est en rapport avec ce que je viens de vous dire, ma passion pour l'épigraphie funéraire. Avec mon collègue et ami Nicolas Vatin, nous avons passé des années à travailler sur l'épigraphie funéraire ottomane, sur les inscriptions, l'épitaphe ottomane, pour y déceler des tendances, des transformations qui puissent être liées à des changements de mentalité. Mais là, ce dont je vais vous parler, ça n'est pas vraiment l'épitaphe, mais plutôt la forme de la pierre tombale. Et vous en voyez une à gauche, qui est aujourd'hui conservée au Musée des Arts Turcs et Islamiques à Istanbul. Et vous remarquerez tout de suite, et c'est pourquoi j'ai mis l'image à côté, que le couvre-chef de cette stèle est un couvre-chef de janissaire. Plus encore, si vous regardez au bas de l'épitaphe, vous y verrez quelque chose que vous avez vu avec mon image d'ouverture, une galère. Une galère qui est, si je ne me trompe, le symbole du 56e régiment, de la 56e légion, je ne sais quoi. Donc c'est un janissaire qui s'affiche par le couvre-chef, et ça je vous épargne toute une digression sur la manière dont les stèles ottomanes deviennent de plus en plus anthropomorphes, c'est-à-dire qu'elles épousent en quelque sorte une forme humaine uniquement parce qu'elles tiennent à représenter le couvre-chef de l'individu, puisque le couvre-chef définit le statut. Et que par conséquent, on aime identifier les gens, notamment dans une société qui est à 95% illettrée, c'est par des moyens visuels, comme la galère, comme le couvre-chef, que l'on peut disséminer, diffuser une identité sans avoir à l'épeler, sans avoir à forcer les gens à lire. Et par conséquent, les stèles ottomanes, du fait qu'elles sont, du moins les stèles masculines, elles sont toutes couronnées d'un turban ou du couvre-chef qui correspond au statut et à l'identité du défunt, elles finissent par avoir un aspect presque humain. Ça n'est pas l'objectif, contrairement à ce que certains ont dit, mais ça finit par être vrai. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que des stèles comme ça, on en compte peut-être une petite vingtaine en Turquie aujourd'hui. C'est très peu. C'est très, très, très peu. Il est vrai que la destruction des stèles a été immense, notamment avec la modernisation, l'urbanisation du 19e, mais surtout du 20e siècle. Mais c'est vraiment complètement disproportionné. Si l'on considère que la population des janissaires était quand même assez importante et que c'était des gens d'un statut assez élevé pour pouvoir se permettre d'avoir une stèle en dur, contrairement aux gens les plus modestes qui, en général, avaient un petit piquet en bois fiché qui disparaissait tout de suite, ça n'est pas normal. Et l'explication que l'on donne, c'est que, justement, le damnatio memoriae est allé jusqu'à casser les stèles des janissaires morts. Et que, par conséquent, il y a eu une sorte d'hécatombe de stèles de janissaires. Et c'est ce qui expliquerait que aujourd'hui nous n'en ayons pratiquement plus de traces. Ce qui me chiffonne dans cette histoire, je pense que c'est probablement vrai jusqu'à un certain point, c'est qu'il n'y a pas un seul document dans les archives ottomanes qui parle explicitement de la destruction des stèles. Parce que c'est quand même tuer des janissaires, exécuter des janissaires à la suite d'une révolution, passe encore, effacer les traces de leur présence en interdisant l'usage des symboles, etc., passe encore, mais s'en prendre aux morts, c'est quelque chose qui peut-être dépasserait même les limites de ce qui est acceptable dans ce contexte de révolution. Et pourtant, il est vrai que nous n'arrivons pas à trouver des stèles de ce genre. Ce qui est encore plus troublant, c'est que nous en avons des traces dans la littérature occidentale. Alors, les Ottomans n'en parlent pas, mais les Occidentaux en parlent. Mais ils en parlent extrêmement vaguement, sans avoir vraiment la possibilité de prouver par des éléments concrets, l'existence d'un tel massacre des stèles de janissaires. Donc, vous avez par exemple un certain Raoul de Malherbe qui, dans les années 40, dit, mais il le dit avec un air de certitude, n'est-ce pas, en 1826, un Hatteshérif abolit l'Ojak, l'Ojak c'est donc la milice des janissaires, et crée la Sarakil Mansouri Mohammedie, donc les troupes réglées et victorieuses de Mahomet, la nouvelle armée, dont Hussein est nommé Seraskar. Le nom, le costume, les insignes des janissaires sont proscrits, le mufti les maudit et les foule aux pieds, bon, et la majesté même des tombeaux ne peut les garantir de la destruction. Alors, est-ce qu'il est en train de reproduire quelque chose, parce qu'en 46, en imaginant qu'il soit passé dans les années 40, il n'a probablement pas été témoin de cet événement. Il est probablement en train de relater quelque chose qui lui a été transmis soit par ses informateurs locaux, soit par ses collègues ou des diplomates à Pera. Autre témoin, entre guillemets, en 1835, les tombeaux des janissaires eurent aussi leur persécution. Partout, le turban distinctif, qui, selon l'usage, les surmontait, fut brisé comme le signe d'une corporation séditieuse et désormais rayé du livre de vie. C'est joliment dit. Et Théophile Gautier, qui lui passe à Istanbul dans les années 50, lui aussi, il en parle. La rancune du sultan Mahmoud ne s'arrêta pas là. Quand on se promène dans le champ des morts de Pera ou de Scutari, on rencontre beaucoup de sipes décapités, restés debout avec leur turban de marbre à leurs pieds. C'est comme s'ils avaient été décapités sur place et que la tête avait été laissée à côté, comme un homme sans tête. Ce sont les tombes d'anciens janissaires que la mort n'a pas mises à l'abri de la colère impériale. L'Odjak fut aboli à perpétuité, son nom condamné à l'oubli, sa caserne rasée, son emplacement voué à l'abandon et le turban de la corporation supprimé sur les tombeaux. Alors, encore une fois, un des principes en histoire, c'est qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est un principe, c'est une intuition, si vous voulez. Mais j'aimerais quand même en savoir plus, et pour le moment, je n'arrive pas. Je rêve encore de trouver un document ottoman, un témoin ottoman qui me dise que, oui, effectivement, il y a eu une sorte de massacre des stèles de janissaires. Le document le plus concret que j'ai trouvé, c'est celui-ci, qui, dans les années 30, parle de la construction du premier pont enjambant la Corne d'Or, donc un des premiers signes de modernité, d'urbanisation à l'occidentale, etc. Et là, le sultan Mahmoud donc, vient de faire élever un pont, etc. Le sultan avait exprimé l'intention de traverser le pont en voiture, mais l'ingénieur avait oublié de construire une route pour y arriver. Alors ça, déjà, c'est un petit détail cocasse qui m'amuse énormément. Et en 24 heures, n'est-ce pas, le sultan va passer, 12 000 ouvriers ont achevé cette route, qui aurait même été terminée plus tôt, si le travail n'eût été un instant arrêté par un obstacle qui semblait insurmontable, la ligne du chemin, tracée à la hâte, rencontrait un cimetière, mais heureusement, il ne renfermait que quelques vieilles tombes de janissaires, car Ahmed Pacha, l'entrepreneur, fidèle aux exemples de son maître, ne s'est fait aucun scrupule de renverser. Ça sonne vrai. Encore une fois, je ne donnerai pas ça en exemple de méthode, mais encore une fois, c'est un peu ça l'histoire. Quand vous avez un manque de documentation concrète, vous prenez des documentations un peu plus tangentielles, un peu plus subjectives, vous les mettez côte à côte et vous essayez de voir si ça sonne vrai ou pas. Et pour moi, ça sonne vrai. Et l'idée même que cette violence de la damnatio memoriae ait été appliquée à des stèles me paraît concourir avec l'atmosphère, l'enthousiasme, le zèle qui entourait cette révolution par le haut en 1826, qui me surprend, en fait. Ça n'est pas que ce soit le cas, que ce soit arrivé. C'est qu'il n'y ait pas de document l'ordonnant, qu'il n'y ait pas de décret impérial disant que tous les signes, y compris les stèles des janissaires, doivent être détruits. Enfin, un jour, peut-être. Mais ce qui est assez intéressant, et là, je pense que ça vous donnera une idée de la persévérance et de l'obstination du sultan pour ce qui est de cette destruction de la mémoire des janissaires, cette satanisation, cette démonisation des janissaires, c'est un entrefilé dans le journal officiel, la Gazette officielle de l'Empire, Takvim Vekai, c'est un hebdomadaire qui commence à paraître en 1831. Il fait partie un peu de cette nouvelle modernité du paquet de modernité que Mahmoud va appliquer. Donc c'est le numéro 68, donc la Gazette est encore à ses débuts. Et là, dans cet encadré rouge, vous avez un passage qui est très intéressant parce qu'il concerne des janissaires, et des janissaires morts. Mais des janissaires morts non pas sous la forme de stèles, mais sous la forme de vampires. Et ça, dans la Gazette officielle de l'Empire ottoman. C'est très intéressant. Voici, en gros, un passage qui explique un peu tout. En gros, c'est le kadi ou le muderis de Trnovo, en Bulgarie aujourd'hui, qui écrit à la porte, qui fait une déclaration signée par cet ouléma, qui parle du fait que la population d'un village des environs de Trnovo a été persécutée par de mauvais esprits, par des démons, qui s'amusaient, en gros, à jeter les affaires d'un côté à l'autre. Enfin, c'est une sorte de maison hantée, si vous voulez. Et c'est un village qui est victime de... Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre, alors dans le texte, parce que la population fait appel à un exorciste, et cet exorciste, c'est un certain Nicolas, un chrétien du village voisin. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le folklore des Balkans et les travaux, par exemple, de Mircea Eliades, vous savez à quel point la présence du surnaturel, de toutes ces histoires de vampires et de sorcières, etc., de sorciers, sont présentes dans le folklore local. Donc ça n'est vraiment pas surprenant que cet événement ait lieu en Bulgarie, dans cet environnement très balkanique, très magique, si vous voulez. Et donc la population fait appel à un exorciste qui vient, apparemment c'est comme un sorcier, il a une sorte de bâton, il se promène dans le cimetière ou il se promène dans le village et ensuite il est mené par son bâton au cimetière et le bâton indique des tombes. Et il s'agissait des tombes de deux traîtres du corps aboli. Alors là, on commence à savoir de quoi il s'agit quand on dit corps aboli, donc ce sont les janissaires. Donc deux tombes de janissaires qui avaient vécu une vie de brigandage. Donc déjà ce sont des janissaires, donc des brigands. Une fois les tombes ouvertes, la foule put constater que leur corps avait doublé de taille, que leurs cheveux et leurs ongles avaient poussé de 3 ou 4 pouces et que leurs yeux ensanglantés et qui paraissaient lancer des flammes avaient pris un aspect terrifiant. Auteurs de vols, de viols et de meurtres de leurs vivants, ils furent témoins de la destruction des autres traîtres et brigands par la main bienveillante de Sa Majesté l'Ombre de Dieu sur Terre, donc le sultan Mahmoud. Ils moururent dans le désespoir, apparemment ils survécurent à la révolution, mais ils moururent dans le désespoir et l'isolement, et hantés par de mauvais esprits, ils continuèrent dans la mort les crimes et lâchetés qu'ils avaient commis dans la vie. Très intéressant parce que, encore une fois, c'est un coup de com', comme on dit, un coup de communication. Le journal officiel, alors bien sûr, vous pouvez parler d'irrationnel, etc., mais ce qui compte ici, c'est de faire un rapport, et un rapport authentifié par le signataire, qui est un digne membre des oulémas de la région de Tirnovo. Un rapport qui fait état du fait que les janissaires sont tellement pourris que même dans la mort, ils vont poursuivre les innocents villageois et vont les persécuter. Et ensuite, vous avez bien sûr l'exorcisme et c'est un pieu à travers la poitrine et le cœur bouilli. Enfin bon, il y a tout un folklore. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. La construction d'un mythe, la construction d'un épisode dramatique, mais symboliquement extrêmement puissant, qui, en gros, dit à la population, à celle qui sait lire, que les janissaires, vous voyez, ça fait 7 ans, mais ils sont encore là. Ils sont encore là, sous forme de fantômes, d'esprits malveillants, et telle est leur dégénérescence, leur méchanceté, leur putréfaction, en quelque sorte, qu'il est pratiquement impossible de les éradiquer, mais le sultan, dans sa bienveillance, de la même manière qu'il a éradiqué ce mal parmi les vivants, s'occupe maintenant d'exorciser en quelque sorte les janissaires qui viennent hanter les villages de Bulgarie. C'est très surprenant, mais je crois que ça correspond exactement à ce désir de communiquer, ce désir de maintenir en haleine en quelque sorte la population en continuant de condamner et de qualifier les janissaires de tous les crimes. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Etem Eldem dans le cadre de sa série L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident dans les années 1820-1830, aujourd'hui la plus grande des guerres saintes. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion ainsi que l'ensemble des cours d'Etem Eldem. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard sous le titre « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Un grand merci à Antoine Villoz de la discothèque et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation, Laurélène Planchet. Présentation et coordination, Meryl Meneghetti. Collaboratrice, Claude Lanneau. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Etem Eldem son interrogation sur la plus grande des guerres saintes et sur les violentes réformes au sein de l'Empire ottoman. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.